Valérie Levé au microphone de CKRL et Futur Simple se poursuit sur les ondes de CKRL 89.1. Ici, la Terre, ce pourrait être l'appel d'un humain envoyé dans l'espace à destination d'une quelconque civilisation extraterrestre ? Mais non, c'est le titre d'un livre qui raconte les épopées de quelques géologues qui ont laissé leur marque dans l'histoire de la géologie. Et ce livre vient de paraître aux éditions Multimonde et je suis avec son auteur Frédéric Bouchard, qui est aussi professeur adjoint au département de géomatique appliquée à l'université de Sherbrooke. Bonjour Frédéric. Bonjour, bonsoir. Et un ancien de, voilà, de Futur Simple en plus. C'est ce que j'allais dire. Et oui, pour la petite histoire, Frédéric est un ancien chroniqueur de Futur Simple. Il est venu, j'ai regardé dans les archives de Futur Simple, aïe, aïe, aïe. Il est revenu pour la première fois en 2015 et tu étais venu parler des chelles de Burgess. Wow. Ça te rappelle quelque chose, Frédéric? Ouais. Oui, c'est quand même loin. Hein. Ah, c'est, ouais. Ouais, c'est et ensuite, tu as entrepris de faire une suite, une série de chroniques sur des savants méconnus. Oui. Tiens, tiens. C'est un créneau. Ben oui, je me souvenais plus que c'était 2015-16, ouais. Mais c'est un créneau qui a démarré ici même à Futur Simple et dans lequel j'ai eu tellement de plaisir à explorer des vies parfois rocambolesques, souvent obscures. Puis non seulement la science qui avait été avancée à cette époque-là, mais tu sais, le contexte historique, ouais, social, politique. J'aimais ça quand je pouvais insérer deux, trois ouais, escarmouches, peut-être pas une guerre, ou tu sais, des événements marquants dans l'histoire que les gens... dont les gens se rappellent parfois ou parfois pas, puis insérer de ça un peu là-dedans et mettre le personnage au centre de ce stage-là, cette scène-là. Voilà, là. Exactement. Mm. Et donc, tu as fait plusieurs chroniques et un jour, tu t'es dit, tiens, je pourrais pas faire quelque chose d'autre avec ces chroniques-là. Ben, c'est un peu... Ben, j'imagine que les gens qui font puis qui écoutent la radio vont ressentir ça aussi. Je me préparais, je faisais des recherches, je faisais beaucoup de lectures. Puis là, j'arrivais pour faire ma chronique, ça durait... À l'époque, c'était quoi? C'était 10 minutes. Ouais. Maintenant, on a le luxe de faire une vingtaine, mais à l'époque, je pense que c'était 7-8, ouais, c'était moins de 10. Ouais. Et je trouvais ça dommage de faire toute cette préparation-là. Puis oui, c'est comme une performance, on sent le track et tout ça, puis on est super content de le faire, mais après, c'est comme si ça s'évapore comme ça, ça part dans l'univers, puis ben, c'est fini. Et je me disais ça il y a quelques années, et puis je me disais, ça serait intéressant qu'il y ait une espèce d'héritage, de legacy, de quelque chose qui reste. À l'époque, j'avais aucune idée de quelle forme ça allait prendre, et ben, c'est à un moment donné, en discutant avec un collègue, bon, on pourra peut-être y revenir, mais quand j'étais en France, il y a un collègue qui avait écrit... même pas un des livres de vulgarisation qui m'a quand même un peu mis au défi, puis a dit ben vas-y, écris un, prends tes meilleures chroniques de l'époque, développe-les un peu plus, puis fais un livre avec ça. Mm-hmm. Puis ça a été une espèce de, ça a commencé comme ça, 2018-2019. Mm-hmm. Puis ben, ça a juste pris 4-5 ans, finalement. Ben ouais, mais c'est parce que tu fais pas que ça non plus. Ben non, c'est ça. J'ai un peu de mal à me concentrer à faire qu'une chose à la fois. Donc, il a bien fallu faire ça à temps partiel. Et donc, là, finalement, le livre est sorti la semaine dernière, le 2 novembre. Donc, dans ce livre, finalement, on retrouve... c'est comme un peu un abrégé de l'histoire de la géologie à travers 10 aventures, ouais, de géologues. C'est comme des instantanés. Ouais. J'ai pas la prétention de faire en continu une histoire de la géologie. Là, c'est comme trop saccadé pour ça, mm-hmm, je dirais. Là, mais puis il y a des bons bouquins qui le font déjà. Ouais. Moi, mon intention avec ça, c'était de prendre 10 idées ou controverses ou moments eureka, mm-hmm, puis puis en faire un chapitre. Puis pour dans chacun de ces chapitres-là, on suit au moins une personne, parfois deux, trois, dans leur espèce de, bon, des fois leur période de doute, leur période d'exaltation, ils ont trouvé, ils n'ont pas trouvé, il a fallu qu'ils s'ostinent et qu'ils se battent pour leurs idées. Donc c'est ça, c'est un peu puis ce qui est bien je trouve avec ça, ben c'est la façon dont je les écris aussi de façon discontinue. On n'a pas besoin de les lire du chapitre 1 au chapitre 10. Oui, ils sont placés grosso modo en ordre chronologique, mais chaque chapitre est indépendant l'un de l'autre. Donc ça se lit, j'espère, relativement agréablement, facilement. C'est écrit pour le grand public, là, donc. Ben, moi, j'ai trouvé que ça se lisait vraiment très facilement et agréablement parce que, en fait, les personnages que tu as choisis ou les moments Eureka, c'est aussi pour plusieurs des géologues un peu aventuriers, et puis bah, finalement, on rentre dans la peau un peu des personnages. Et Ben oui. t'as l'art d'ajouter beaucoup de précisions historiques ou de descriptions des lieux. On a l'impression que tu es allé sur place, en fait, Ben, plusieurs fois. en fait, dans certains cas, oui, et dans certains cas, non. Donc, ben, pas que je triche, mais en fait, des fois, je pars de quelque chose, mettons, que j'ai observé pour vrai. Par exemple, je suis allé à Yakoutsk. J'ai eu la chance d'y aller. Mais j'ai pas visité tous les endroits dont je parle dans le chapitre sur Middendorf et la Yakoutie. Mais tu sais, j'essaie de m'imprégner de quelque chose que j'ai vu ou expérimenté. Puis après, ben là, je me renseigne, je lis un peu partout, à gauche, à droite, au-dessus, en dessous, et puis j'essaie de faire ressortir l'ambiance, tu sais, j'essaie de me mettre à la place de la Parce que personne. tes personnages sont vivants. La façon dont tu les décris, dont tu Ben, fais tant mieux, vivre hein. leur histoire, c'est pas juste une histoire figée dans le passé. On les sent, on a l'impression qu'ils sont présents, et puis ils vont à tel endroit, ils se posent telle question, il arrive telle chose, et puis il fait pas beau, et puis. Ben ça, je pense, ben y a deux choses là-dedans. Pour avoir moi-même eu la chance de faire des études de terrain, ça, je trouvais ça super intéressant de mettre le côté aventurier, le côté les terrains à l'autre bout du monde ou les trucs un peu bizarres, moins connus, ça, je trouvais ça très intéressant. Puis je dois dire aussi que j'ai écrit ça, il y a eu une première version, mais l'éditeur du livre, Raymond Lemieux, de chez Multimonde, là. Il a vraiment fait aussi un bon travail, je pense, un excellent travail de justement. Il a compris où je voulais aller avec ce projet-là, puis il m'a aidé à justement à peaufiner, puis à mettre plus de, à éviter les répétitions puis les tics que de toute façon moi je ne voyais plus. Puis il m'a aidé justement à mettre de l'humain là-dedans, puis de l'intention. Tu sais, il me disait, oh, on pourrait faire parler tel personnage, par exemple, telle personne. Moi, j'avais pas pensé à ça, mais c'est lui à un moment donné qui donne la parole ou qui à quelqu'un, pense, ou les personnages qui se pensent, ils dit disent, peut-être que, puis ouvrez les guillemets, puis tout ça. C'est lui qui a pensé à ce genre de formule-là, qui n'était pas nécessairement dans la première version, ou en tout cas qui était, mais sous une forme tellement brute que ça demandait du polissage un peu. Donc, j'avoue là que j'aurais pas pu faire ça tout seul, là. Il y a l'éditeur qui a beaucoup aidé pour justement mettre de l'ambiance puis de la texture là-dedans, là. Alors parlons un petit peu justement de ces 10 personnages parce que en fait on découvre la géologie parce que quand on c'est un peu curieux mais finalement on connaît des grands noms de la physique, de l'astronomie, un peu de la chimie, de la biologie, mais en géologie, le seul nom qui nous vient à l'idée, c'est Wegener. On Ouais, n'en connaît pas d'autres. C'est vraiment des savants méconnus, on va dire. oui. Donc, parle-nous un petit peu de Pourquoi? quelques-uns Ben, pourquoi ils sont même, méconnus, pourquoi on ne connaît ben, pas. tu sais, je pense que je le dis à une place dans le livre, au 18-19e siècle, la géologie, on peut le dire, était pas mal à la mode en Angleterre. Les gens ramassaient des fossiles, les gens collectionnaient des roches, puis là, ça mettait ça dans leurs appartements londoniens, puis c'était chic, puis c'était l'espèce de truc qu'on montrait à la visite pour épater la galerie, là. Donc, il y avait une certaine mode, mais la géologie est assez rapidement tombée désuète. Il y avait des progrès dans d'autres domaines, dans la biologie, chimie, physique. Puis c'est l'ironie là-dedans, c'est comme tu dis, peut-être le seul qu'on connaît en géologie, assez grand public, c'est Wegener. Je sais pas si on prononce Wegener ou Wegener, Alfred Wegener, de la dérive des continents. Mais il était même pas géologue lui non plus. Ben lui-même, il était astronome et météorologue. Puis justement, c'est une des raisons pour lesquelles il s'est fait ramasser, il s'est fait accueillir avec une brique puis un fanal quand il a osé remettre en cause la façon de penser à l'époque parce que il était même pas géologue. De Alors quoi là, il se mêle? de quoi il se mêle? Puis en plus, début du 20e siècle, en pleine Première Guerre mondiale, un Allemand qui vient dire aux Anglo-Saxons, ouais, ben faut que vous jetiez vos livres de géologie à poubelle. Ça s'est pas très bien passé, c'est le moins qu'on puisse dire. Là. Ouais. Donc, il y a lui. Mais tu sais, un exemple qui est vraiment, je pense qu'il représente bien le livre, c'est Mary Tarp. Donc, que je ne connaissais moi-même pas du tout avant de commencer à faire un peu de recherche là-dessus, qui a découvert donc le rift, ce qu'on appelle la dorsale médio-océanique. Donc, c'est cette espèce d'épine dorsale qui fait le tour de la Terre, qui parcourt les océans, le fond des océans, sur 65 000 kilomètres. Quand même, c'est une fois et demie, l'équivalent d'une fois et demie le tour de la Terre. C'est la plus grosse structure géologique de la planète. Et ça a été découvert au milieu du 20e siècle, au terme d'un travail acharné par Mary Tarp, donc une jeune femme qui n'avait même pas le droit à l'époque d'aller dans les navires qui faisaient toutes ces missions les relevés, d'exploration, ouais. Les relevés topographiques des océans. Donc, elle était prise à rester au labo. Et elle recevait comme ça des boîtes et des boîtes de rouleaux de papier qui arrivaient des campagnes océanographiques. Puis elle, sa job, son travail, c'était de mettre ça en carte. Mmh. Et à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'il y avait une espèce de vallée profonde comme ça, symétrique, qui parcourait tous les océans. Puis ça a été elle la première à suggérer qu'il y avait probablement un rift qui fendait la croûte terrestre sur 65 000 kilomètres de long. Et pas connu du tout du grand public, et même de son... Dans ces années-là, il a fallu qu'elle se batte parce qu'elle se faisait, son hypothèse se faisait qualifier de girl talk. Imagine, tu sais, la condescendance gens dans un monde d'hommes super macho. Et il a fallu, c'est une femme de caractère, apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, là, se lire sur elle. Là, donc, elle a dû envoyer promener quelques-uns de ses collègues masculins. Et heureusement, elle est décédée vers 80 quelques. Là, donc, elle a eu le temps vers la fin de sa vie qu'on reconnaisse son travail. Il y a eu un prix Mary Tarp maintenant qui est décerné à chaque année pour les femmes qui s'illustrent en sciences de la Terre. Donc, et sa collection a été déposée aux archives au Congrès américain. Donc, c'est quelqu'un qui, heureusement, a pu avoir un certain... certaines renommées à la fin de sa vie, mais elle l'a pas eu gratuit, là, elle l'a pas eu facile. Là. Puis ça, je trouve ça... Moi, plus je lisais sur quelqu'un comme Mary Tarp, plus j'étais impressionné, en fait. Il y a une biographie qui existe sur elle, puis j'ai commencé à m'inspirer pour ce chapitre-là avec ce bouquin-là. Souvent, c'est ça que je faisais, je tombais sur un livre. La plupart des scientifiques ont au moins une biographie quelque part qui existe. Moi, je partais avec ça, puis après, ben, je me renseignais, je vais dire, de façon latérale là, sur le contexte de l'époque. Puis encore une fois, moi, je raffole d'histoire en général, donc j'essaie d'inclure des contextes. Donc, quand on parle de ça en Europe, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis en même temps? Puis, ben, c'est ça qui est intéressant quand on lit, ce livre-là, parce que c'est pas juste... la géologie, l'énigme géologique qui a été résolue par telle ou telle personne, mais c'est vraiment le contexte historique, comment c'est perçu. Le chapitre aussi avec Lou Agassiz, c'est assez intéressant aussi. Et lui, je te dirais, ça s'est écrit en deux temps, puis c'est pas pour rien, je pense, c'est un personnage, Louis Agassiz, donc le père le père autoproclamé, parce que je pense qu'il a un peu volé des idées des autres, là, mais l'idée des grandes glaciations, donc le fait que les glaciers, surtout à l'époque, on parlait beaucoup des glaciers des Alpes, aient occupé une superficie beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Et lui, Louis Agassiz, c'est quelqu'un d'à la fois remarquable, admirable, mais aussi détestable. Hein? Alors, j'ai eu beaucoup de mal à écrire ce chapitre-là parce que quand j'ai lu sur lui, sur le fait qu'il était super raciste, en fait, puis tu sais, on est... lui, il est parti de la Suisse dans les années 1840. Il est arrivé aux États-Unis là, en 1840 quelques, quelques années avant la guerre de sécession. Donc, aux États-Unis, esclavagistes, on lit des passages des lettres qu'il envoyait à sa famille en Europe. Puis ça dresse un peu le poil. Là, c'est ultra raciste. Mais c'est sûr qu'il faut essayer aussi de remettre ça dans le contexte. Il n'y a pas grand monde qui n'était pas raciste, peut-être, à l'époque, mais ça n'excuse rien. Donc, il fallait que j'en parle de ça. J'avais pas le choix. Puis même à la fin de sa vie, il s'est opposé farouchement aux idées de Darwin. Parce que là, encore une fois, j'aime ça mettre ça en contexte. Lui, on est dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc lui, il est là, il est vivant. Quand Darwin publie son livre sur l'origine des espèces, je pense que c'est 1860 quelque. Ben Agassiz, il est là, il est prof à Harvard, je pense, et il s'oppose farouchement contre ça. Il est créationniste, il est anti-darwiniste. Donc il avait un côté assez détestable. Puis mais tu sais, ça n'empêche pas que c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de terrain, qui était très pédagogue, qui parlait avec beaucoup d'éloquence apparemment, et qui a vraiment travaillé fort pour faire connaître l'hypothèse des glaciations. Il invitait même ses adversaires, on va dire, scientifiques. Il avait développé un camp de terrain dans les Alpes et il invitait les gens qui le croyaient pas. Venez passer une couple de jours, une couple de semaines, puis je vais aller vous montrer le glacier, puis le fait qu'il, tranquillement, il bouge. Il prenait des mesures, il prenait des... Donc, tu sais, il a développé la science des glaciers. Donc, on peut pas y enlever ça non plus, tu sais, mais... puis ce que je trouve savoureux, puis je commence le chapitre avec ça, puis pour moi, ça encapsule, ça fossilise, ça représente Louis Agassiz. C'est dommage qu'elle soit plus là sous cette forme-là actuellement, mais au lendemain du gros tremblement de terre qu'il y a eu en Californie en 1906, il y a des buildings qui ont été éventrés, il y a eu beaucoup de dommages, il y a eu des morts, évidemment, mais il y a eu des dommages. Et un des dommages qui est super cocasse, c'est que la statue d'Agassiz, donc en 1906, il était mort depuis plusieurs années déjà, la statue d'Agassiz qui était sur une façade de building est tombée la tête en bas dans le sol, en fait. Mm-hmm. Et elle tenait comme ça, elle a tenu pendant plusieurs jours, si c'est pas des semaines, les pieds dans les airs, la tête complètement ensevelie jusqu'aux épaules, puis le doigt dans les airs, ben, en fait, qui pointait vers le haut, probablement en train de s'ostiner. Et je trouve ça tellement... Tu sais, c'est une statue d'un homme flamboyant, mais qui était cul par-dessus tête après un tremblement de terre. Ouais. Donc ça, pour moi, l'image, j'avais pas le choix de commencer le chapitre avec ça. Là. Ben, ça fait aussi partie des détails là, historiques qui font qu'on est amené à lire le livre parce que finalement, c'est comme plein d'histoires un peu rocambolesques parfois avec vraiment une mise au parfum des conditions contemporaines de chacun de ces personnages. Puis, ce qu'on découvre aussi à travers ce livre, c'est que finalement, la géologie, c'est une science relativement récente. Bon, on comprend qu'il y a eu des observations avec Sténon, qui sont quand même assez vieilles. 17e, c'est les tout débuts. C'est là. Ça. Mais nos connaissances sur l'âge de la Terre, sur la dérive des continents, la tectonique des plaques, ça n'a même pas un siècle. C'est très récent. Ben, c'est ça, tu l'as dit, la dérive des continents, c'est 1915, c'est à peine un siècle, 1915-1920. Donc, idée qui a été comme balayée du revers de la main, oubliée pendant quelques décennies, qui a ressurgi sous sa forme, on va dire, sous sa forme plus moderne dans les années 50-60, ce qu'on appelle maintenant la tectonique des plaques. Donc ça, c'est la révolution de la tectonique des plaques. C'est la grande idée, je dirais, dans le domaine des sciences de la Terre, là, qui a obligé justement les gens à acheter leur bouquin de géologie. Donc ça, c'est les années 60. Ça a 50 ans, là, à peine, 50-60 ans. C'est très récent. C'est très, très récent. Et l'âge de la Terre, c'est un autre exemple. Évidemment, depuis le 18e, 19e siècle, il y avait des géologues qui avaient déjà compris que l'âge de la Terre à 6000 ans, comme on nous le disait dans la Bible, ça n'avait pas d'allure. Il savait bien, mais il n'y avait pas de preuves. Enfin, il présentait les roches sédimentaires. Il s'était bien douté que les roches sédimentaires, ça prenait des milliers, si ce n'est pas des millions d'années à se former. Puis là, il voyait qu'il y avait plusieurs milliers de mètres de roches sédimentaires empilées les unes par-dessus les autres. Donc, il se disait, ben, c'est fort probablement plusieurs millions d'années, mais... Ça a pris les progrès des analyses qu'on appelle le spectromètre de masse, donc les analyses chimiques extrêmement précises pour des toutes petites quantités. Ça a pris la découverte de la radioactivité. On est à Paris, Henri Becquerel, les deux Curie, Marie et Pierre Curie, au début du 20e siècle, qui comprennent qu'il y a des éléments qui se désintègrent. Après ça, Rutherford, le Néo-Zélandais, qui comprend que ça émet de l'énergie puis qu'il y aurait peut-être moyen d'en déduire une vitesse de désintégration. Et là, on est déjà dans les années 1920-30. Et là, dans les années 1940-50, c'est le sol. C'est les analyses de laboratoire, la spectrométrie de masse qui permettent de mesurer des quantités infimes. Et c'est ça, il a fallu qu'on se rende jusque-là dans les années 50 pour que quelqu'un comme Claire Patterson, dont je parle dans un des chapitres, qui après des efforts quasi fanatiques pour nettoyer son labo, pour plus qu'il y ait de traces de plomb, une salle blanche. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il a pu avoir des mesures assez précises pour déterminer l'âge par la technique qu'on appelle l'uranium-plomb, donc la désintégration de l'uranium qui se change en plomb avec une vitesse qu'on connaît maintenant. Donc, si on mesure la quantité de plomb et d'uranium dans un échantillon, c'est un peu comme un sablier dont on connaîtrait la vitesse à laquelle le sable passe d'un compartiment à l'autre. Ben, ça a été possible dans les années 50. Donc, l'âge de la Terre de 4,55 milliards d'années. Et l'âge de la formation de plein d'autres roches après, ça a été possible il y a quelques décennies, il y a un demi-siècle. Donc, c'est les grandes découvertes, les grandes avancées, il y en a beaucoup qui se sont faites assez récemment. Ouais. Là. Mais c'est quand même assez saisissant de penser que finalement, on a eu des connaissances sur l'atome avant de connaître l'âge de la Terre. On est presque allé sur la Lune avant de connaître l'âge de la Terre. Exact. C'est quand même assez saisissant. Puis je pourrais même te dire qu'il y a beaucoup de portions de la Lune, de Mars et de Vénus qu'on a cartographiées avec une meilleure résolution actuellement que le fond des océans sur Terre, par exemple. Donc, il y a des endroits dans l'espace qui sont à des centaines, des millions de kilomètres d'ici qu'on connaît mieux, avec une meilleure résolution que les fonds marins, par exemple. Il y a encore du travail à faire. Ben c'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Mais en considérant que c'est quand même une science relativement jeune, on a élucidé un peu les processus géologiques. Mais est-ce qu'il y a des questions, des énigmes ou des trucs qu'on ne comprend pas? Tu sais, comme par exemple, les astrophysiciens se demandent ce que c'est que la matière noire. Les biologistes se demandent est-ce que c'était l'ARN ou l'ADN qui était avant quoi? Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des questionnements comme ça que les géologues se posent? Ben, moi, je pense que moi-même, je dirais que je ne pratique pas géologie, je pourrais dire, la géologie officielle avec le tampon de l'Ordre des géologues du Québec. Là. Je suis plutôt dans les changements climatiques, le pergélisol, la géographie physique. Mais tu sais, par exemple, il y a des progrès technologiques maintenant qui permettent de surveiller des phénomènes terrestres avec une précision ou une résolution spatiale et temporelle auxquelles on pouvait même pas rêver à l'époque. Donc, suivre la banquise, un glacier avec beaucoup de précision, c'est faisable. Je dirais, là, par exemple, les catastrophes naturelles. On prend les tremblements de terre. On comprend pas mal maintenant comment ça se produit. Mais est-ce qu'on pourrait pas être capable, des fois, on observe par exemple que certains animaux vont réagir quelques secondes, quelques minutes avant un gros tremblement de terre. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de prévoir ça mieux que ça, tu sais? Je pense que ça, la sismologie, il y a encore des progrès à faire là-dedans. Dans les phénomènes météo aussi, le basculement d'échelle entre de passer de la météo, les phénomènes météorologiques, au changement climatique, par exemple, à la climato. Comment on prévoit une trajectoire d'ouragan, par exemple? On est encore, je trouve, des fois dans un truc boîte noire. Donc, je suis certain qu'il y a encore des progrès à faire. Puis, il y a des gens tous les jours là, qui travaillent là-dessus. Donc, je ne suis pas inquiet à ce niveau-là. Non, de toute façon, il y a toujours une réponse, ça appelle toujours 10 autres questions. Ouais. Là, dans ce livre-là, bon, c'est un peu la géologie en 10 histoires. Comme tu dis, c'est découpé, c'est pas linéaire. Donc, il y a la place à un autre livre pour connaître la suite? Ben, pas tout de suite, parce que c'est quand même un long processus, puis ça m'a permis d'avoir beaucoup de respect, d'admiration pour les gens, les vrais écrivains, les vrais auteurs qui font ça pour gagner leur vie. Mais, comme je disais avant, je n'ai pas été assez traumatisé pour ne pas vouloir en faire un. J'ai déjà quelques idées, deux, trois idées pour... d'autres chapitres. Et d'ailleurs, ça pourrait être des idées qui pourraient être testées sous forme de chronique. Pourquoi pas? Je dis ça comme ça. Je dis ça, je dis rien, comme on dit. Je dépose l'info ici. Pourquoi pas? Je prends l'info, en tout cas. Ouais, je pense que je vais me faire contacter dans la prochaine année pour venir tester des chroniques ici, j'ai l'impression. Exactement. Ouais. Ben, pour finir, je dirais que c'est un livre qui se lit vraiment très facilement et qui nous permet de nous familiariser agréablement avec la géologie. Alors, tant mieux. Merci Frédéric d'être venu nous présenter ce livre Micro Tuture Simple et surtout merci d'avoir écrit ce livre. Ben, merci à vous. Bonne soirée. Au milieu du parcours, qu'on s'arrête en même temps. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine. Il sera question de laser et de conduite avec faculté affaiblie. Et pour le moment, bah, restez donc sur CKRL 89.1. Futur Simple passe le relais à En Aparté avec Calypso le Moine. Ce jour-là, un petit morceau d'éternité. Tu m'as rendu ma soif d'exister sans savoir dans ton regard. Mille raisons d'y croire.